pour des remorques fiables, robustes et de qualité. Remorque 2000 est la place qu'il faut visiter. Nous fabriquons des remorques de tous les styles, que ce soit l'utilitaire, le cargo ou le gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez, même s'il faut la fabriquer. Nous sommes distributeurs exclusifs de la marque Maxiroule. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 Dequin d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5343. Remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à y participer en grand nombre. Les Bleuets Fortin du 555 Dequin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le Bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le Bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine. On va parler de baseball. Vous avez vu, on a parlé de Frédéric Degg de la presse canadienne qui était à Cooperstown pour l'intronisation de Vladimir Guerrero. Sauf qu'il y a un autre gars qui était là à Cooperstown et c'est le plus gros partisan de l'histoire des Expos. Et je peux dire une chose, c'est que Perry G a rencontré Robert Manfred. Si vous êtes sur les médias sociaux, vous avez vu cette photo. Moi, j'ai décidé de l'appeler pour savoir qu'est-ce qui s'est dit. Je suis bien blette. On l'a en bout de ligne. Salut Perry. Salut Denis, ça va? Ça va bien, ça va bien. Perry, t'as rencontré Robert Manfred. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On était au party de Vlad le samedi soir, puis un des premiers gars qui était là, j'imagine qu'il visitait toutes les parties, parce qu'il y avait un party pour Vlad, pour les Angels, un pour Detroit, pour Trammell et Morris, etc. So, il était là, puis c'est sûr que j'étais là avec nos amis de baseball, Anakin, mon fils, on était comme 14, mais c'est nous autres qui ont parlé avec le commissaire, puis simplement, on voulait juste lui dire, tu sais, on veut pas le chaler trop. On a dit que, regarde, on est là. Montréal veut le baseball. Il veut le retour de nos Expos. Puis, lui, simplement, il a dit les mêmes choses qu'il dit. Il faut régler la situation de Tampa puis Oakland. Mais il a aussi dit qu'on veut être là. Tu sais, on veut que ça marche à Montréal. Puis, j'ai dit, regarde, nos propriétaires, tu peux pas trouver mieux que Bronfman puis Garber, puis on est solide, puis on est prêt, on vous attend. Qu'est-ce qu'il dit quand tu as dit ça? Ah, il dit, tu sais, il peut pas dire grand-chose non plus. Mais il y a le nom, il y a ce que tu dis, mais puis il y a le nom verbal aussi. En communication, faut savoir. Ah oui, c'est ça. Le nom verbal. J'ai déjà l'impression que je sais qu'est-ce qui va arriver. Moi, d'après moi, la situation à Tampa, ça va exploser, là. Et quand il a annoncé le beau stade, l'endroit, puis tout ça, puis il a mis un micro dans face de Sternberg, le propriétaire, puis ils ont demandé, on va trouver le cash où pour ça, puis il a dit, on n'est pas là encore. Mm. Ça m'a fait penser à les Expos de Montréal. C'est carrément les mêmes affaires. Exactement la même chose. Ils ont demandé 500 millions de dollars privés. Ben, ils vont jamais faire ça après qu'est-ce qu'il a fait Loria. Le monde à Miami, là. Mais Perry, c'est pas juste ça non plus. C'est que, je sais pas si t'as vu des articles passer. Ben, c'est toi ce qui l'a même tweeté, je pense, du Tampa, ou c'est encore baseball. Il y a des débats qui sont enclenchés à Tampa Bay. C'est les mêmes histoires que les Expos. On n'est pas prêt pour investir dans les millionnaires pour la santé et l'éducation. Sauf que 15 ans après, après le départ des Expos, est-ce que l'éducation et la santé va mieux? Pas sûr. Mais c'est ça. Mais nous autres, c'est différent parce que Bronfman, quand il a sorti avec notre mairesse, il a dit carrément que, regarde, on demande pas l'argent privé. Mm. L'argent public. Mm. C'est sûr, tu sais, ils vont demander pour des petites choses, peut-être l'infrastructure, les affaires comme ça. Mais il a dit les mots que tous les Québécois veulent attendre. Pas juste les Québécois, mais tout le monde. Tous les partisans sont tannés de payer de leur poche pour des millionnaires pour bâtir des stades. Ouais. Bronfman a dit, on veut pas votre argent, on a de l'argent. Mm. On veut juste l'équipe, puis that's it, that's all. Et quand tu dis des choses comme ça, ça marche toujours. C'est privé, c'est la meilleure chose. OK. Mais à Perry, ils peuvent retrouver leurs frais, ils peuvent retrouver leur argent qu'ils ont investi dans un complexe immobilier, ils peuvent être propriétaires de tout ça, comme ça s'est fait à Baltimore, comme ça s'est fait dans d'autres salles. Ah, c'est sûr. Mais je reviens à Robert Manfred. Comment ça a duré de temps, la conversation? Oh, on a parlé peut-être 3-4 minutes. Lui, il était pressé pour aller ailleurs aussi, mais... Tu sais, le but de lui parler, c'est juste pour dire que, regarde, on est des gars de Montréal qui sont là au party de Vlad pour supporter. On était là pour montrer que, tu sais, dans n'importe quoi qu'on fait, on se parle le tour des expos. Mm. Puis je pense le monde, il sache, là, les expos sont partout, man. Toutes mes amis Facebook, Twitter, tu vois, ils sont partout avec les casquettes des expos, les chandails, puis tout ça. Hey, ça, c'est une équipe qui n'existe plus depuis 2004. Ouais, mais c'est... Quand tu vois tous les gars qui portent les choses des expos, tu penserais qu'on est encore dans la Ligue nationale. Je me m'abuse, je pense que la casquette des expos est la troisième plus vendue après les Yankees et les Red Sox. C'est ça, au Canada, ouais, imagine. Ouais, donc imagine-toi, donc c'est ça. Hey, mais je reviens sur fait que le puis non-verbal, c'était correct, c'était Moi je pense que oui. Comment il semble gentil, beaucoup plus que Gary Bettman, est-ce que je me trompe? Ah oui, il était pas arrogant, il a dit les meilleures choses pour la ville de Montréal, comme il a dit on sait que ça peut marcher à Montréal. Il a dit carrément ça. Mm. Mais il faut qu'on règle encore, c'est la même chose, il faut qu'on règle la situation en Oakland puis Tampa avant qu'on fait une décision, mais pour moi là, cette décision va se faire vite là. Moi j'attends ça début 2019 que that's all, regarde, put up the money or salut la visite. Ah, c'est clair. Donc c'est clair que c'est ça qui va arriver parce que la date limite que Fred me disait c'est 2018. Ouais. Donc c'est ça. Puis t'es allé à Cooperstown, comment c'était? C'était super bien. C'est super. On était là pour notre fondation. On a eu des anciens expos qui ont signé pour nous autres pour ramasser l'argent pour l'hôpital de Montréal pour enfants, pour la fondation de ma nièce Catherine. On avait Brad Wilkerson, on avait Guillermo Mota. Guillermo Mota, oh c'est vieux ça. C'est vieux ça. Est-ce que t'as vu Arky Cianfrocco? Semble-t-il qu'il était là? Frédéric Degg m'a dit que Arky Cianfrocco était là. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui, il a joué dans 1992, un grand joueur de premier but, capable de jouer dans le champ au troisième aussi. Ouais, je me souviens, ouais, mais même si je le voyais devant moi, c'est sûr que je le connaissais pas. Ça, c'est sûr. Tu l'inviteras à ton prochain Expo Fest, Arky. Je pense pas, mais hey, why not? Hey, donc, c'était pas mal. Mais y avait-tu, t'étais là l'an passé, il y avait moins de monde de Montréal. Hein, pour... Oui. C'était évident aussi. Je pense qu'il y a quelques fans qui sont encore un petit peu énervés avec Vlad qui est rentré comme un angel, mais il n'y a pas de rapport. Mm. Nous autres, on sait que Vlad, il est dans le temple de renommée à cause de Montréal et des expos, mais c'est normal, man. Il veut être le premier Angel pour rentrer dans le temple de renommée, puis il veut rentrer avec une équipe existante. Là. Mm. Il avait dit, si les expos étaient encore dans la ligue, là, je rentrais comme un expo. Mm. Ça, c'est sûr, puis je le crois. Je le crois avec, avec tout mon cœur. Je sais que c'est vrai. Il y en a qui disent même qu'il aurait reçu une offre des Angels de Californie pour rentrer. C'est pas crush comme ça. Lui, il sait qu'il va faire... Le monde dit, il a fait 125 millions de dollars dans sa vie, blablabla. Mais c'est pas les affaires du monde qui me dit comment Vlad il a besoin de faire de l'argent. Il fait nourrir 500 familles dans son pays, au Dominicain. Hey, il fait beaucoup, beaucoup de choses pour ce pays-là. C'est un pays pauvre, puis il aide beaucoup. Ouais. Puis en plus, il y a 8 enfants avec 6 femmes différentes. En terminant, tu sais que tu commences à te lier d'amitié avec Vlad Junior qui va jouer son premier match ce soir à Buffalo. Comment il est? Es-tu différent de Vladimir Guerrero? Son père? C'est la chose, non. Il est presque pareil. Tu sais, le monde dit, mais comment ça, il parle pas beaucoup d'anglais parce qu'il était élevé de la même façon que Vlad, par sa grand-mère. Vlad, il était élevé par sa mère, puis Junior, par la mère de Vlad, sa grand-mère. Exactement pareil. Pour Junior, sa grand-mère, c'est sa mère. Okay. So, il est exactement pareil, sauf qu'il va apprendre plus l'anglais. Je suis sûr et je suis confiant que son anglais va améliorer. Vlad, il n'a pas fait un grand effort pour apprendre l'anglais. Je pense que Junior va être mieux. Okay. Ah, c'est un beast, là. Il va être tout un joueur, là. Ah, regarde, c'est... Je suis hâte et je suis jaloux des fans des Jays, là, parce qu'ils ont tout un joueur. Ah, ouais, puis avec Beau Bichette qui s'en vient, puis avec tout ce que tu voudras, c'est très présent. Ah, il n'y a rien, lui, à côté de Junior, c'est le futur des Jays. Effectivement. On se reparle, Barry. Félicitations encore une fois d'avoir rencontré Robert Manfred. C'est pas tout le monde qui parle avec Robert Manfred. Fait que t'as réussi. Fait que bravo. Fait qu'on se reparle un autre tantôt. Parfait, Danny. Le plus grand partisan des Expos, Barry G.